Et oui, mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous du journal et merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. Le manque de médicaments et le surnombre des patients au centre neuropsychiatrique de Kamenge sont quelques défis qui hantent ce centre. Et c'est selon le directeur de ce centre, frère Chidza Marcus. Des efforts sont en cours au ministère de la Santé publique pour améliorer la situation, notamment par la création de nouveaux centres dans le pays. La Banque africaine de développement finance à hauteur de 15 millions de dollars américains le programme PASEREC au Burundi qui vise à améliorer le secteur de l'eau et à renforcer la résilience face au changement climatique sur 4 ans. Le directeur général de l'Agence burundaise de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural à Amer donnera plus de précisions. La communauté Batwa de Mutana en commune Murutasi en province Kayanza appelle à l'aide pour des semences et intrants agricoles. Des travaux de protection de la réserve naturelle restent impayés et de son côté, l'administrateur communal négocie pour soutenir ses familles en difficulté. Voilà pour l'essentiel de ce journal présenté par Aïssa Liliane Inamahoro et mis en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. En financement de 15 millions de dollars américains accordés par la Banque africaine de développement, BAD sera destiné au programme d'appui au secteur de l'eau et au renforcement de la résilience face au changement climatique PASEREC au Burundi pour une durée de 4 ans dans sa première phase. Nestor Niyonzima, directeur général de l'Agence burundaise de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural à Amer, a précisé que ce programme sera mis en œuvre dans les provinces de Bouvanza, Chibitoke, Changuzo, Ruyigi et Rutana. L'annonce a été faite ce jeudi lors du lancement officiel des activités du PASEREC. Suivez-le. Nous venons de lancer officiellement le projet PASEREC. C'est un projet qui a pour but d'améliorer les conditions de vie de la population à Mieri-Rar en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et à l'assainissement des bases. Effectivement, les conditions de vie de la population seront améliorées dans ce sens que il y aura construction de systèmes de réseaux d'eau potable dans les 5 provinces, mais aussi la construction des infrastructures d'assainissement de base, sans oublier la mise en place, si vous voulez, des coopératives agro-pastorales pour effectivement jouir des ressources en eau que Dieu nous a donné, afin, si vous voulez, d'utiliser rationnellement les ressources en eau potables. Et il y a aussi 3 provinces qui vont bénéficier des appuis en termes d'études des réseaux d'AEP et qui, si vous voulez, pourront être financés dans la deuxième phase du projet. L'enveloppe globale du projet PASEREC phase 1, parce qu'il y aura d'autres phases qui seront développées par rapport à la mise en œuvre de la première phase. Donc effectivement, la première phase a un budget, si vous voulez, d'environ 10 millions d'unités de compte, ce qui arrive à 15 millions de dollars. Vous comprendrez que c'est dans les 45 milliards de francs-bourg. Et la contrepartie du gouvernement du Burundi a été, si vous voulez, significative parce que ça arrive à 1,33 millions d'unités de compte. Et on doit effectivement remercier infiniment le gouvernement du Burundi qui a déjà disponibilisé cette contrepartie. Et oui, c'était Nestor Niyonzima, directeur général de l'Agence burundaise de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural à Amer. Je vous le disais dans les titres de ce journal, le centre neuropsychiatrique de Kamenge fait face à plusieurs défis, notamment le manque de médicaments et le surnombre de patients. Ces préoccupations ont été exprimées par révérend frère Chidza Marcus, directeur général de cet établissement, lors d'une journée porte ouverte organisée sur 2 jours en préparation de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre de chaque année. Jean de Dieu Havdialimana, directeur du programme intégré des maladies non transmissibles, a souligné que des initiatives sont en cours au sein du ministère de la Santé publique, notamment la création de nouveaux centres dans les provinces du centre du pays. Le point avec notre consoeur Lydie Gahimbari. des médicaments pour traiter les maladies mentales qui sont importées de l'étranger, l'afflux massif des patients vers le centre neuropsychiatrique de Kamenge, souvent appelé Kwalo Gentil, sont quelques problèmes auxquels ce centre est confronté. J.D. Nyenguru Timana, directeur AI chargé de l'administration et des finances, l'a déclaré lors des journées portes ouvertes organisées par ce centre qui ont permis d'offrir des consultations gratuites aux personnes souffrant de troubles mentaux. Nous rencontrons beaucoup de défis et comme nous avons un nombre important de patients qui dépasse notre capacité d'accueil. Et la maladie mentale, un patient peut passer un mois, deux mois, même une année ici. Ça dépasse notre capacité d'accueil. Nous avons un problème d'aussi nombre de patients qui dépasse notre capacité d'accueil. Nous avons un problème des médicaments psychotropes. Les médicaments que nous utilisons pour soigner nos patients proviennent surtout de l'extérieur du pays. Un autre problème auquel ce centre fait face est lié aux patients assurés par des entreprises ou soutenus par le ministère de la Solidarité, mais dont les soins ne sont pas payés à temps, ce qui empêche d'autres activités de ce centre de se poursuivre normalement. Et autre problème que nous avons, les patients qui viennent se soigner ici au CNPK sont en grande partie des indigents qui ne peuvent pas se payer les factures. D'autres sont des militaires, des policiers et les détenus dans les différentes prisons. Donc, ils viennent avec les bons de soins ou les bons de commandes ou les bons de réquisition pour s'approvisionner en médicaments. Le problème est que nos partenaires qui envoient ces patients tardent à régler nos factures. Et si ces retards se prolongent, nous pouvons des problèmes de pouvoir continuer. À ce qui concerne l'afflux des patients vers ce centre, Jean-Dodi Habzalimana, directeur national chargé du programme de lutte contre les maladies non transmissibles, a indiqué que des efforts sont en cours au sein du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, notamment pour offrir des soins similaires dans les provinces centrales du pays, comme Ngozi, Gitega et ailleurs. La Journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque année le 10 octobre, sera commémorée à l'échelle nationale à une date ultérieure. Lydie Gahimbale, toujours en page santé de ce journal, le manque d'infrastructures adéquates dans les centres de santé du district sanitaire de Makamba constitue un défi majeur pour la prise en charge des patients atteints de la variole du singe. C'est selon Athanase Ngundwanayo, directeur de ce district. Vianney Nindemesha, originaire de la commune Kayogoro et premier cas testé positif dans ce district, témoigne que le transfert vers l'hôpital de district l'a profondément effrayé au point de craindre pour sa vie. Le point avec Omer Ndouayo de retour de Makamba. Une température trop élevée, c'est ce que présentait Vianney Nindemesha, natif de la colline Sameke, pratiquant le commerce près du marché central de Kayogoro. Des symptômes qu'il a négligés, estimant qu'il s'agissait d'une simple maladie. Seuls les conseils de la part de ses voisins l'ont poussé à aller se faire soigner, raconte-t-il. Mes voisins m'ont conseillé d'aller me faire soigner. Je suis allé au centre de santé de Kayogoro et l'infirmier m'a prescrit des médicaments. Les médecins provenant de Bujumbura m'ont prélevé et transféré à l'hôpital de district de Makamba. Les résultats ont montré que je souffre de la variole du singe. Je me suis senti trop effrayé, mais ils m'ont tranquillisé. Des conseils donnés par cause de frayeur. Témoigne son voisin, Abel Niranyibagira, qui est également parmi les élus locaux dans le quartier Mubogora où ils exercent le commerce. L'inexistence d'infrastructures adéquates est un défi à la prise en charge des malades de la variole du singe, déplore Nestor Ninahazwe, titulaire du centre de santé Kayogoro, qui ajoute à ce défi la carence des médicaments. 3 cas parmi plus de 20 prélevés depuis l'apparition de la variole du singe au Burundi ont été testés positifs dans le district sanitaire de Makamba, dit Athanase Nkundwanayo, le chef de ce district. 3 cas ont été testés positifs sur 21 prélevés. La pénurie des réactifs dans notre district fait que le prélèvement soit réalisé par des médecins en provenance de Bujumbura. Les centres de santé de notre district se heurtent au manque d'infrastructures adéquates. L'insuffisance des moyens financiers et des médicaments freine les initiatives des infirmiers, mais à l'hôpital de district, ça va un peu. Malgré cela, un autre passage, ils se remarquaient l'indisponibilité de kits d'assainissement dans des endroits publics, dont le marché central. L'administrateur communal de Kayogoro explique que les campagnes de sensibilisation continuent, malgré cette négligence. Le premier malade de la variole du singe a été déclaré en commune Kayogoro dans tout le district sanitaire de Makamba. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et oui, les familles de la communauté Batwa de la colline Mutana, située dans la commune Muruta, province Kayanza, se trouvent confrontées à un manque de semences sélectionnées et d'intrants agricoles pour la saison culturelle B. Elles appellent à l'aide des bienfaiteurs. Audace Hachimana, administrateur communal de Muruta, précise que ces derniers jours, les Batwa ont participé à des travaux de protection de la réserve naturelle de Kibira dans le cadre du projet de résilience et de restauration du paysage du Burundi PRRPB, mais qui n'ont pas été intégralement rémunérés. L'administrateur indique qu'il négocie avec les responsables de ce projet pour que le solde de l'épargne soit utilisé pour l'achat des semences et intra-agricoles pour ces familles. C'est une correspondance signée Patrick Nsengiyumva. Ces familles de la communauté Batouan de la colline Mutana en commune Muruta de la province Kayanza ont reçu des propriétés foncières dans le cadre du projet de la résilience et de la restauration du paysage du Burundi, PRRPB ainsi. Ces bateaux avaient comme activité le traçage des parts et faits dans la réserve naturelle de la Kibira dans le cadre de la protection de cette aire protégée. Ces bateaux de Mutana ont bénéficié alors en contrepartie des activités réalisées, des propriétés foncières dont ils disent se réjouir beaucoup. Toutefois, ces familles de la communauté Batouan en Muruta disent qu'ils éprouvent d'énormes difficultés à se procurer des semences sélectionnées et des intrants agricoles. Certains d'entre eux contactés nous ont indiqué qu'ils ont labouré leurs champs pour se préparer à la saison culturelle B en cours, mais qu'ils n'ont pas encore semé, faute du manque de semences de maïs hybrides et des intrants agricoles. Ils demandent à l'administration communale et à toute autre âme charitable de leur venir en aide et de leur donner ce dont ils ont besoin pour le semi de cette saison culturelle en cours. Contacté à ce sujet, Audace Hachimana, administrateur communal de Muruta, celui-ci dit être au courant de la situation. L'administrateur communal Muruta fait savoir que la question a été déjà soumise au ministère ayant la solidarité en ses attributions pour y trouver solution. En attendant, cette autorité administrative communale Muruta indique également qu'il continue à plaider auprès des partenaires du projet PRRPB en sigle qui a contribué pour doter de ces bateaux de Muruta des propriétés foncières afin que le lorican de l'épargne fait pour ces bateaux puisse servir à leur acheter des semences sélectionnées et des intrants agricoles dont ils ont besoin. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Et oui, merci Patrick Nsengiyumva. Et après Kayanza, retour sur Bujumbura. Boycott du sucre par certains consommateurs dans certains quartiers de la zone Musaga en mairie de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Et cela, c'est depuis la hausse du prix de ce produit qui est passé de 3 000 à 8 000 francs burundais. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro indiquent que depuis cette hausse, ce produit est disponible dans des boutiques, mais certains disent l'avoir abandonné faute de moyens. Les commerçants de leur côté affirment qu'ils n'ont presque plus de clients et demandent qu'il y ait une mesure en vue de redresser la situation. Sheira Irambona, son reportage. Ces personnes sont certains parmi les habitants de la zone Musaga qui témoignent que depuis la hausse du prix du kilo du sucre, ils n'arrivent plus à acheter ces denrées. Selon eux, les 8 000 francs ajoutés au montant dépensé pour la ration quotidienne alourdit leur quotidien. Je ne peux pas avoir ces 8 000 francs. Si on considère ces 8 000 francs et qu'on y ajoute les 3 500 francs d'un kilo de haricots et les 4 000 francs du kilo de riz ainsi que les 2500 francs du kilo de maïs. On préfère tout laisser tomber. Ce qui s'est remarqué lorsque nous étions sur place, c'est que les commerçants qui ont fait des stocks de ce produit les écoulent très difficilement. Ah, parmi ceux avec qui nous sommes entretenus, témoigne qu'il fait face à des pertes. Avant, on avait de longues files d'attente de gens qui venaient acheter le sucre. Maintenant, il n'y en a plus. J'ai acheté 60 sacs, mais j'ai écoulé que 21. Tous, que ce soit les consommateurs ou les vendeurs, demandent à ce que les prix de ce produit soient revus. On demande que le prix du sucre soit revu jusqu'à 3500 pour que nos enfants puissent prendre du thé le matin, nous aussi, parce qu'on en a besoin. Ce que nous demandons, c'est que les autorités essaient de tout faire pour que ces prix soient revus à la baisse, également pour les autres denrées alimentaires, parce que la situation est grave. Nous demandons qu'on diminue ces prix, mais nous proposons qu'ils attendent qu'on ait terminé nos stocks pour que nous n'enregistrons pas de pertes. Une doléance également faite par le chef du quartier de Kinanila 1 qui confirme cette situation. Ils ont reçu beaucoup de sacs de sucre. Le problème est qu'on a rehaussé le prix et les gens n'achètent plus car ils espèrent que ces prix vont être revus. Un autre phénomène s'observe dans ce quartier, à savoir que les commerçants qui vendaient ce produit avant la hausse du prix ont préféré ne plus le vendre pour éviter de faire face à des pertes. Et oui, merci Sheila Irambona. Et avant de boucler ce journal, vous saurez que la commune de Bururi impose une amende de 110 000 francs burundais par vache aux éleveurs dont les bovins se trouvent dans les jeunes pousses de zones brûlées. Certains éleveurs jugent ces amendes excessives par rapport aux pénalités établies par la loi sur la stabulation permanente qui prévoit des pénalités de 5 000 à 10 000 francs burundais par bovin pour les infractions, tandis que le gardien encourt une amende de 50 000 à 100 000 francs bourg, non pas par vache. Il demande également des enquêtes pour punir les responsables des feux de brousse qui ont détruit leur pâturage. Félix Niongabo, l'administrateur de la commune, explique que ces sanctions visent à faire respecter la loi et à lutter contre les incendies. Et voilà, point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction pour sa réalisation et merci à l'équipe technique François Akimana pour sa parfaite collaboration. Au micro, ce journal vous a été présenté par Aïssa Liliane Inamahoro. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Au revoir.